Chapitre 5e. L'habitation de Laronville était à une lieue de Chartres et à une demi-lieue environ de la ferme où demeuraient les parents de Margot. Ce n'était pas tout à fait un château, mais une très belle maison avec un grand parc. Madame de Radour n'y venait pas souvent, et depuis nombre d'années on n'y avait vu qu'un régisseur. Ce voyage précipité, les entretiens secrets entre le jeune homme et la vieille dame, surprenaient Margot et l'inquiétaient. Il n'y avait que 2 jours que Madame de Radour était arrivée, et tous les paquets n'étaient pas encore déballés, lorsqu'on vit s'avancer dans la plaine 10 colosses marchant en bon ordre. C'était la famille Piédeleu qui venait faire ses compliments. La mère portait un panier de fruits, les fils tenaient à la main chacun un pot de giroflées, et le bonhomme se prélassait, ayant dans ses poches 2 énormes melons qu'il avait choisis lui-même et jugés les meilleurs de son potager. Madame de Radeau reçut ses présents avec sa bonté ordinaire, et comme elle avait prévu la visite de ses fermiers, elle tira aussitôt de son armoire 8 gilets de soie à fleurs pour les garçons, 1 dentelle pour la mère Piédeleu et pour le bonhomme, 1 beau chapeau de feutre à large bord dont la ganse était retenue par une boucle d'or. Les compliments étant échangés, Margot, brillante de joie et de santé, comparut devant sa famille. Après qu'elle eut été embrassée à la ronde, sa marraine fit tout haut son éloge, vanta sa douceur, sa sagesse, son esprit, et les joues de la jeune fille, toutes vermeilles des baisers qu'elle avait reçus, se colorèrent encore d'une pourpre plus vive. La mère Piédeleu, voyant la toilette de Margot, jugea qu'elle devait être heureuse, et elle ne put s'empêcher, en bonne mère, de lui dire qu'elle n'avait jamais été si jolie. « C'est ma foi vrai, » dit le bonhomme. « C'est vrai. » répéta une voix qui fit trembler Margot jusqu'au fond du cœur, c'était Gaston qui venait d'entrer. En ce moment, la porte étant restée ouverte, on aperçut dans l'antichambre le petit gardeur de Dindon, Pierrot, qui avait tant pleuré au départ de Margot. Il avait suivi ses maîtres à quelque distance, et n'osant entrer dans le salon, il fit de loin un salut craintif. « Quel est donc ce petit gars ?» dit Madame de Radour. « Approche donc, petit, viens nous dire bonjour. » Pierrot salua de nouveau, mais rien ne put le décider à entrer. Il devint rouge comme le feu et se sauva à toutes jambes. « C'est donc vrai que vous me trouvez jolie ?» se répéta Margot à voix basse en se promenant seule dans le parc lorsque sa famille fut partie. « Mais quelle hardiesse ont les garçons pour dire des choses pareilles devant tout le monde ? Moi qui n'ose pas le regarder en face, comment se fait-il qu'ils me disent tout haut une chose que je ne puis entendre sans rougir ? Il faut que ce soit chez lui une grande habitude, ou qu'il le regarde comme indifférent. Et pourtant, dire à une femme qu'on la trouve jolie, c'est beaucoup. Cela ressemble un peu à une déclaration d'amour. » À cette pensée, Margot s'arrêta et se demanda ce que c'était au juste qu'une déclaration d'amour. Elle en avait beaucoup entendu parler, mais elle ne s'en rendait pas compte bien clairement. « Comment dit-on qu'on aime ?» se demanda-t-elle. Elle ne pouvait se figurer que ce fût seulement en disant « Je vous aime ». Il lui semblait que ce devait être bien autre chose, qu'il devait y avoir pour cela un secret, un langage particulier, quelque mystère plein de péril et de charme. Elle n'avait jamais lu qu'un roman. J'ignore quel en était le titre. C'était un volume d'épariés qu'elle avait trouvé dans le grenier de son père. Il y était question d'un brigand sicilien qui enlevait une religieuse, et il s'y trouvait bien quelques phrases inintelligibles qu'elle avait jugé devoir être des paroles d'amour, mais elle avait entendu dire au curé que tous les romans n'étaient que des sottises, et c'était la vérité seule qu'elle brûlait de connaître. Mais à qui oser la demander ? La chambre de Gaston à Laonville n'était plus si près qu'à Paris. Plus de coups d'œil furtifs, plus de bruit d'espagnolettes. Tous les jours, à 5 heures du matin, la cloche résonnait faiblement. C'était le garde-chasse qui réveillait Gaston, la cloche se trouvant près de sa fenêtre. Le jeune homme se levait et partait pour la chasse. Caché derrière sa persienne, Margot le voyait, entouré de ses chiens, le fusil au poing, monter à cheval et se perdre dans le brouillard qui couvrait les champs. Elle le suivait des yeux avec autant d'émotion que si elle eût été une châtelaine captive dont l'amant partait pour la Palestine. Il arrivait souvent que Gaston, au lieu d'ouvrir le premier échalier, le faisait franchir à son cheval. Margot, à cette vue, poussait des soupirs ignorés, mais à la fois bien doux et bien cruels. Elle se figurait qu'à la chasse on courait les plus grands dangers. Quand Gaston rentrait le soir, couvert de poussière, elle le regardait des pieds à la tête pour s'assurer qu'il n'était point blessé, comme s'il fût revenu d'un combat. Mais lorsqu'elle le voyait tirer de son carnier un lièvre ou une couple de perdrix, et les déposait sur la table, il lui semblait voir un guerrier vainqueur chargé des dépouilles de l'ennemi. Ce qu'elle craignait arriva un jour. Gaston, en sautant une haie, fit une chute de cheval. Il tomba au milieu des ronces et en fut quitte pour quelques égratignures. De quelles poignantes émotions ce léger accident fut la cause! La prudence de Margot faillit l'abandonner. Elle fut d'abord près de se trouver mal. On la vit joindre les mains et prier tout bas. Que n'eût-elle pas donné pour avoir la permission d'essuyer le sang qui coulait sur la main du jeune homme? Elle mit dans sa poche son plus beau mouchoir, le seul en sa possession qui fût brodé, et elle attendait impatiemment quelque occasion de le tirer à l'improviste pour que Gaston en pût envelopper un instant sa main. Mais elle n'eut pas même cette consolation. Le cruel garçon étant à souper et quelques gouttes de sang coulant de sa blessure, il refusa le mouchoir de Margot et roula sa serviette autour de son poignet. Margot en sentit un tel déplaisir que ses yeux se remplirent de larmes. Elle ne pouvait penser cependant que Gaston méprisât son amour, mais il l'ignorait. Que faire à cela? Tantôt Margot se résignait, tantôt elle s'impatientait. Les événements les plus indifférents devenaient tour à tour pour elle des motifs de joie ou de chagrin. Un mot obligeant, un regard de Gaston, la rendait heureuse une journée entière. S'il traversait le salon sans prendre garde à elle, s'il sortirent le soir sans lui adresser un léger salut qu'il avait coutume de lui faire, elle passait la nuit à chercher en quoi elle avait pu lui déplaire. S'il s'asseyait près d'elle par hasard, et s'il lui faisait un compliment sur sa tapisserie, elle rayonnait d'aise et de reconnaissance. S'il refusait à dîner et de manger d'un plat qu'elle lui offrait, elle s'imaginait qu'il ne l'aimait plus. Il y avait de certains jours où elle se faisait, pour ainsi dire, pitié à elle-même. Elle en venait à douter de sa beauté et à se croire laide toute une après-dînée. En d'autres moments, l'orgueil féminin se révoltait en elle. Quelquefois, devant son miroir, elle haussait les épaules de dépit en pensant à l'indifférence de Gaston. Un mouvement de colère et de découragement lui faisait chiffonner sa collerette et enfoncer son bonnet sur ses yeux. Un élan de fierté réveillait sa coquetterie. Elle paraissait tout à coup, au milieu de la journée, revêtue de tous ses atours et dans sa robe du dimanche, comme pour protester de tout son pouvoir contre l'injustice du destin. Margot, dans sa nouvelle condition, avait conservé les goûts de son premier état. Pendant que Gaston était à la chasse, elle passait souvent ses matinées dans le potager. Elle savait manier à propos la serpe, le râteau et l'arrosoir, et plus d'une fois elle avait donné un bon conseil au jardinier. Le potager s'étendait devant la maison et servait en même temps de parterre. Les fleurs, les fruits et les légumes y venaient en compagnie. Margot affectionnait surtout un grand espalier couvert des plus belles pêches. Elle en prenait un soin extrême, et c'était elle qui, chaque jour, y choisissait d'une main économe quelques fruits pour le dessert. Il y avait sur l'espalier une pêche beaucoup plus grosse que toutes les autres. Margot ne pouvait se décider à cueillir cette pêche. Elle la trouvait si veloutée et d'une si belle couleur de pourpre qu'elle n'osait la détacher de l'arbre, et qu'il lui semblait que c'eût été un meurtre de la manger. Elle ne passait jamais devant sans l'admirer, et elle avait recommandé au jardinier qu'on ne s'avisât pas d'y toucher sous peine d'encourir sa colère et le reproche de sa marraine. Un jour, au soleil couchant, Gaston, revenant de la chasse, traversa le potager. Pressé par la soif, il étendit la main en passant près de l'espalier, et le hasard fit qu'il en arracha le fruit favori de Margot, dans lequel il mordit sans respect. Elle était à quelques pas de là, arrosant un carré de légumes. Elle accourut aussitôt, mais le jeune homme, ne la voyant pas, continua sa route. Après une ou deux bouchées, il jeta le fruit à terre et entra dans la maison. Margot avait vu du premier coup d'œil que sa chère pêche était perdue. Le brusque mouvement de Gaston, l'air d'insouciance avec lequel il avait jeté la pêche, avait produit sur la petite fille un effet bizarre et inattendu. Elle était désolée et en même temps ravie, car elle pensait que Gaston devait avoir grand soif par le soleil ardent qu'il faisait, et que ce fruit devait lui avoir fait plaisir. Elle ramassa la pêche, et après avoir soufflé dessus pour en essuyer la poussière, elle regarda si personne ne pouvait la voir, puis elle y déposa un baiser furtif, mais elle ne put s'empêcher en même temps de donner un petit coup de dent pour y goûter. Je ne sais quelle singulière idée lui traversa l'esprit, et pensant peut-être au fruit, peut-être à elle-même. « Méchant garçon, murmura-t-elle, « comme vous gaspillez sans le savoir. » Je demande grâce au lecteur pour les enfantillages que je lui raconte, mais comment raconterais-je autre chose, mon héroïne étant un enfant? Madame de Radour avait été invitée à dîner dans un château des environs. Elle y mena Gaston et Margot. On se sépara fort tard. Elle faisait nuit close quand on reprit le chemin de la maison. Margot et sa marraine occupaient le fond de la voiture. Gaston, assis sur le devant, et n'ayant personne à côté de lui, s'était étendu sur le coussin en sorte qu'il y était presque couché. Il faisait un beau clair de lune, mais l'intérieur de la voiture était fort sombre. Quelques rayons de lumière n'y pénétraient que par instants. La conversation languissait. Un bon dîner, un peu de fatigue, l'obscurité, le balancement moelleux de la berline, tout invitait nos voyageurs au sommeil. Madame de Radour s'endormit la première, et en s'endormant, elle posa son pied sur la banquette de devant, sans s'inquiéter si elle gênait Gaston. L'air était frais, un épais manteau jeté sur les genoux enveloppait à la fois la marraine et la filleule. Margot, enfoncée dans son coin, ne bougeait pas, quoique bien éveillée, mais elle était fort inquiète de savoir si Gaston dormait. Il lui semblait que, puisqu'elle avait les yeux ouverts, il devait les avoir aussi. Elle le regardait sans le voir et il se demandait s'il en faisait de même. Dès qu'un peu de clarté glissait dans la voiture, elle se hasardait à tousser légèrement. Le jeune homme était immobile et la petite fille n'osait parler de peur de troubler le sommeil de sa marraine. Elle avança la tête et regarda au dehors. L'idée d'un long voyage a tant de ressemblance avec l'idée d'un long amour qu'en voyant le clair de lune et les champs, Margot oublia aussitôt qu'elle était sur le chemin de la Honville. Elle ferma à demi les paupières, et tout en regardant passer les arbres, elle se figura qu'elle partait pour la Suisse ou l'Italie avec Madame de Radour et son fils. Ce rêve, comme on pense, lui en fit faire bien d'autres et de si doux qu'elle s'y abandonna entièrement. Elle se vit, non pas femme de Gaston, mais sa fiancée, allant courir le monde, aimée de lui, ayant droit de l'aimer, et au bout du voyage était le bonheur, ce mot charmant qu'elle se répétait sans cesse et que, heureusement pour elle, elle comprenait si peu. Pour mieux rêver, elle ferma tout à fait les yeux. Elle s'assoupit et par un mouvement involontaire, elle fit comme Madame de Radour. Elle étendit le pied sur le coussin qui était devant elle. Le hasard fit qu'elle posa ce pied, fort bien chaussé d'ailleurs et très petit, précisément sur la main de Gaston. Gaston ne parut rien sentir, mais Margot s'éveilla en sursaut. Elle ne retira pourtant pas son pied tout de suite, elle le glissa seulement un peu de côté. Son rêve l'avait si bien bercé que le réveil même ne l'en tirait pas. Et ne peut-on mettre son pied sur la banquette où dort son amant quand on part avec lui pour la Suisse? Peu à peu, toutefois, l'illusion se dissipa. Margot commença à penser à l'étourderie qu'elle venait de faire. S'en est-il aperçu? Se demanda-t-elle. Dort-il ou en fait-il semblant? S'il s'en est aperçu, comment n'a-t-il pas ôté sa main? Et s'il dort, comment cela ne l'a-t-il pas réveillé? Peut-être me méprise-t-il trop pour daigner me montrer qu'il a senti mon pied? Peut-être qu'il en est bien aise, et qu'en feignant de ne pas le sentir, il attend que je vais recommencer. Peut-être croit-il que je dors moi-même. Il n'est pourtant pas agréable d'avoir le pied d'un autre sur sa main, à moins qu'on aime cette personne-là. Mon soulier doit avoir sali son gant, car nous avons beaucoup marché aujourd'hui. Mais peut-être qu'il ne veut pas avoir l'air de se tenir à si peu de choses. Que dirait-il si je recommençais? Mais il sait bien que je n'oserais jamais. Peut-être devine-t-il mon incertitude. Et s'amuse-t-il à me tourmenter? Tout en réfléchissant ainsi, Margot retirait doucement son pied avec toute la précaution possible. Ce petit pied tremblait comme une feuille. En tâtonnant dans l'obscurité, il effleura de nouveau le bout des doigts du jeune homme, mais si légèrement que Margot elle-même eut à peine le temps de s'en apercevoir. Jamais son cœur n'avait battu si vite. Elle se crut perdue et s'imagina qu'elle avait commis une imprudence irréparable. « Que va-t-il penser ? » se dit-elle. « Quelle opinion aura-t-il de moi ? Dans quel embarras vais-je me trouver ? Je n'oserai plus le regarder en face. » C'était déjà une grande faute de l'avoir touché la première fois, mais c'est bien pire maintenant. Comment pourrais-je prouver que je ne l'ai pas fait exprès? Les garçons ne veulent jamais rien croire. Il va se moquer de moi et le dire à tout le monde, à ma marraine peut-être, et ma marraine le dira à mon père. Je ne pourrai plus me montrer dans le pays. Où irai-je? Que vais-je devenir? J'aurai beau me défendre, il est certain que je l'ai touché deux fois et que jamais une femme n'a fait une chose pareille. Après ce qui vient de se passer, le moins qu'il puisse m'arriver, c'est de sortir de la maison. » À cette idée, Margot frissonna. Elle chercha longtemps dans sa tête quelques moyens de se justifier. Elle fit le projet d'écrire le lendemain une grande lettre à Gaston, qu'elle lui ferait remettre en secret, et dans laquelle elle lui expliquerait que c'était par mégarde qu'elle avait posé son pied sur sa main, qu'elle lui en demandait pardon, et qu'elle le priait de l'oublier. « Mais s'il ne dort pas, pensa-t-elle encore, s'il se doute que je l'aime, s'il m'a deviné, si c'était lui qui vint demain me parler le premier de notre aventure, s'il me disait qu'il m'aime aussi, s'il me faisait une déclaration. » La voiture s'arrêta en ce moment. Gaston, qui dormait en conscience, étendit les bras en se réveillant avec fort peu de cérémonie. Il lui fallut quelque temps pour se rappeler où il était. À cette triste découverte, les rêves de Margot s'évanouirent, et quand le jeune homme lui offrit pour descendre la main qu'elle avait effleurée, elle ne vit que trop clairement qu'elle venait de voyager seule.